Chapitre 27e. Ma mère devient folle. Le jour où l'éducation rigoureusement scientifique prévaudra en France, les exclamations du genre de celle-là ne seront plus possibles. On abuse étrangement de la folie dans les conversations courantes. Vous êtes fou, c'est de la folie, quelle folie! Et même, tout à fait en manière de plaisanterie, j'en ris comme une petite folle. Tout autant de phrases que l'on débite sans que personne n'y attache aucune importance. On serait tenté de croire que la folie est l'état normal des Français. La folie, c'est la perte de la raison, c'est-à-dire la plus cruelle des maladies, c'est-à-dire le plus effroyable des malheurs, et si souvent invoquée pour des cas futiles qu'elle ne suscite pas de sombres pensées, de lamentables tableaux. Il ne faudrait en parler qu'avec la plus grande circonspection. On en fait le synonyme de bizarrerie. Et s'il s'agit vraiment de folie, on gémira plus tard et on ne voudra pas se rappeler que l'on a été prophète. « Ma mère devient folle », avait dit Mélanie Ripert. Elle ne croyait certes pas être aussi près de la vérité. En 8 jours, Madame Ripert avait considérablement changé. Au moral, ce n'était plus du tout la même femme. Au lieu de la verve spirituelle qui effleurait tous les sujets de conversation, au lieu de l'argumentation serrée qu'elle mettait naguère au service des discussions sérieuses, elle n'avait à offrir à ses visiteurs que de continuelles redites sur l'injustice de la justice, sur l'odieuse conduite de ses ennemis. Les commentaires devenaient de jour en jour plus compromettants. De jour en jour, le cercle de ses fidèles diminuait. Les très jeunes gens même s'effrayaient de cette persistance de colère et de haine qui ne laissait plus la moindre échappée au sentiment ni à la galanterie. D'autant plus qu'elle leur reprochait, en termes généralement fort durs, de ne pas être assez habile pour savoir heure par heure ce que faisait M. de Mulsey. En réalité, elle ne pensait qu'à cet homme, qu'elle sentait plus fort qu'elle. Sa fureur dissimulait à peine un renouveau de passion. Son dépit était extrême de ne trouver personne qui le connût intimement et à qui elle pût parler de lui. Elle savait bien ses relations avec M. de Wilberg, mais elle considérait ce monsieur de Wilberg comme un implacable adversaire. Elle était instruite des très rares sorties de Julien. Cela ne pouvait satisfaire sa dévorante curiosité. Quand elle apprit que Sextus Bonenfant avait accompagné officiellement Mélanie et Julien au palais de justice, elle résolut de se rapprocher à tout prix de son ancien amoureux. Elle ordonna à une de ses femmes, la plus futée de toutes, de se poster près de la mule noire et de lui amener le gros homme dont elle lui fit au physique et au moral le portrait exact. Sextus ne pouvait longtemps rester en place. Flâner était pour lui un impérieux besoin, faire de l'exercice une nécessité hygiénique. Aussitôt qu'il eut déjeuné avec ses amis, laissant les jeunes gens à leur causerie, il sortit pour se remettre ex dans les jambes, selon sa pittoresque expression. La femme à qui Madame Ripert l'avait parfaitement décrit le reconnut et le suivit. C'était une habile messagère. Elle ne l'aborda pas mystérieusement pour lui transmettre l'invitation insolite de sa maîtresse. Ayant fait une contre-marche intelligente, elle se trouva face à face avec le voyageur et comme si elle eût retrouvé une ancienne connaissance. « Eh, je ne me trompe pas » s'écria-t-elle gaiement. « C'est Monsieur Bonenfant. Et toi, qui es-tu » Sextus tutoyait tout le monde. « Comment ? Vous ne vous rappelez pas, Suzon ?»« Attends donc, Suzon, non. Enfin, cela ne fait rien. Je suis enchanté de te rencontrer. »« Pas du tout, monsieur Bonenfant. C'est très mal d'oublier ainsi. J'aurais bien fait de ne pas écouter vos sornettes quand vous couriez après moi à Saint-Cana. Nous étions jeunes alors. » Le galantin était pris par son côté faible. Sa mémoire s'éclaircit comme par enchantement et de très bonne foi, il reconnut pour une ancienne victime cette Suzon qu'il n'avait jamais vue. « Suzon, ah très bien, mais oui, parbleu, pardonne-moi, tu comprends, Aix n'est pas Saint-Cana, et comment te trouves-tu ici ?»« Je suis venu avec Madame Ripert qui a voulu absolument m'emmener, je dirige un de ses ateliers. »« Te plais-tu à Aix ?»« Je me plais partout, monsieur Bonenfant, et puis Madame Ripert est si bonne. »« Je l'ai rencontrée ce matin en descendant du chemin de fer. » À te parler vrai, elle ne m'a pas paru aussi bonne que tu veux bien le dire. Vous l'avez mal jugée, je vous assure. Peut-être était-elle préoccupée de son affaire, mais vous ne savez pas. J'ai entendu parler de quelque chose, je ne sais rien au juste. Ah, bien, ce serait trop long de vous raconter cela, Moi, je n'ai pas le temps, vous comprenez? Mais si vous êtes toujours curieux, car vous étiez curieux, monsieur bon enfant, allez chez madame, je suis sûr qu'elle sera contente de vous revoir. » Tout en causant, Sextius et la soi-disant Susan de Saint-Cana s'étaient dirigés vers le cours des Minimes. « Il faut que je vous quitte, » dit la femme. « Nous voici tout près de la maison de madame. Tenez, cette grille là-bas. Je ne voudrais pas qu'elle me vît bavarder. Au revoir, monsieur bon enfant. Donne-moi la main, au moins. »« Volontiers. » Sextius était perplexe. Non qu'il eût quelques soupçons, mais il se demandait s'il y avait utilité pour ses amis à ce qu'il vit, madame Ripper. Sa visite ne serait-elle pas préjudiciable? Ne pourrait-elle pas être interprétée comme une fausse démarche? Cependant, il ne put résister au désir de se rendre compte par lui-même de la scène dramatique qui avait eu le jardin pour théâtre. Précisément, madame Ripper s'y trouvait. Elle était assise dans le grand fauteuil à oreilles dont Julien lui avait parlé et que l'on n'avait pas changé de place. Madame Ripper, les deux coudes appuyés sur les bras du fauteuil, le corps sensiblement penché en avant, regardait sans voir, sombre, les sourcils contractés, les lèvres serrées. Par instants, un mouvement nerveux agitait sa tête ou ses épaules. Sextius, qui l'observait à travers les arbres, la vit par deux fois se mordre les lèvres. Il hésita longtemps. Il avait une terreur instinctive de n'être pas maître de soi. L'attraction, à la fin, fut plus forte que la raison. « Après tout, pensa-t-il, je ne dirai que ce que je voudrais dire. Si elle agit comme ce matin, j'en serai quitte pour ne parler de ma visite ni à Julien ni à Mélanie. » Et d'un pas délibéré, il alla sonner à la porte de la grille. Madame Ripper sursauta. Le tintement de la sonnette la rappelait à la réalité, chassant le rêve ou dissipant le cauchemar. Dès qu'elle eut reconnu Sextius, sa physionomie s'épanouit. « Entrez, cher monsieur bon enfant, » s'écria-t-elle, et elle se porta à sa rencontre. « Eh bien, avez-vous vu votre ami ? Il est libre, madame. Et je le sais bien. Les misérables juges sont contre moi, mais qu'ils prennent garde. Ce n'est pas ma faute à moi si ce pauvre garçon est un assassin. Est-ce que je suis son ennemi, moi ? Est-ce que je me venge ? Voyons, soyez franc. Dites, vous qui êtes son ami, et le mien, que feriez-vous à ma place ? » Sextius tiraillait par mouvement saccadé le bas de son oreille droite. Ce mélange de fureur et de tendresse, cette incohérence de sentiments l'étonnait et l'effrayait. Madame Ripper le secouait par son bras inoccupé. « Répondez-moi donc. Dites-moi ce que fait Julien, ce qu'il pense de moi, ce qu'il veut, car enfin, vous êtes venu ici pour quelque chose. Oui. Dites-le-moi. On peut tout me dire à moi. Je ne suis pas méchante, vous le savez. On voudrait faire croire que je suis un monstre. Vous le croyez peut-être, vous aussi. Ce n'est pas vrai. Il était là, sur ce fauteuil. Le malheureux Préval. Il me l'a tué. La mort est horrible, voyez-vous. Il nie, n'est-ce pas? C'est tout naturel. Alors il me hait. Julien ne vous hait pas, madame. Ah? Et je vous assure qu'il y a entre vous un malentendu déplorable. Sans cette malheureuse guerre, je serais venu à Aix il y a 3 mois. J'aurais été l'intermédiaire entre ces enfants et vous. Je vous aurais dit, madame. Votre fille, elle avait avec du sang un passé douloureux. Elle aime Julien, qu'elle a voulu tuer, et Julien l'aime. Rendez une famille à Mélanie, et quand Julien viendra vous la demander, ce sera un homme nouveau, mort pour vous, digne d'elle. Vous croyez à ces sottises-là, vous? Et vous vous imaginez naïvement que j'aurais consenti? Ils s'aiment, dites-vous. Comment ils ne s'aimeraient-ils pas? Julien est un misérable, et Mélanie une sotte. Elle ne serait pas votre fille dans ce cas. Ta ta ta, je m'entends. Je vous jure que c'est une femme intelligente et d'une grande force de volonté. Je l'ai détestée, là, de tout mon cœur. Une femme qui joue du revolver n'est pas de mon goût. Mais je suis revenu sur mes premiers sentiments, et j'ai juré de me contribuer à son bonheur. Je suis convaincu que si vous la revoyez, vous n'auriez pas d'autre désir que de la savoir heureuse. Si c'est tout ce que vous aviez à me dire, ce n'était pas la peine de vous déranger. Si Mélanie me demandait pardon à genoux, peut-être lui pardonnerais-je à elle, mais la donner à Julien, jamais. Madame Ripper, en quelques enjambées rapides, fit le tour de son jardin, humant l'air frais et cherchant à calmer, par le mouvement, le bouillonnement de son sang et de ses pensées, puis, revenant vers bon enfant, « Soit, amenez-la-moi. Entre femmes, on se comprend sans se dire les choses. Les hommes sont de grands enfants. Ils ne savent ni aimer ni haïr. Je veux savoir. Je veux savoir. Adieu. » Elle s'éloigna en courant et ferma sur elle la porte de sa maison. Sextus entendit très distinctement un verrou grincer dans sa gaine de fer.